dans la musique, le message par la musique. Hey, parce qu'on fait du son conscient et militant tout le temps. Ne pas perdre son temps. Alors je fais un big up le son, je fais un big up les vibes et je fais un big up les chants qui nous entourent. Big up, big up. Les vibes, big up le son, big up les gens. Une fois plus on vient avec un son militant. Hey, big up les vibes, big up le son, big up les gens. Le ton est donné, le message est très important. Il faut big up les vibes, big up le son, big up les gens. Une fois plus on vient avec un son militant. Hey, big up les vibes, big up le son, big up les gens. Le ton est donné, le message est très important. Quand tu vois ce qu'ils font de nous, des pantins mal dirigés, accro à la monnaie. C'est parce que le monde est fou. Que le système est censé, il reste connecté au web à la télé. Mais en fait reste bloqué, il ne peut plus penser. On ne veut plus faire marche arrière. On tient la résistance éclair. Armé du son avec les frères, on libère la mystique dans l'air. Et si tu n'es pas convaincu, alors viens faire un tour dans ma rue. Big up le son, big up les gens. Une fois plus on vient avec un son militant. Hey. Big up les vibes, big up le son, big up les gens. Le ton est donné, le message est très important. Il faut big up les vibes, big up le son, big up les gens. Une fois plus on vient avec un son militant. Hey. Big up les vibes, big up le son, big up les gens. Le ton est donné, le message est très important. C'est vrai qu'ils ont peur de nous. Nos vérités les dérangent, ils font ce qui les arrange. Nous font passer pour fous. Et eux bien sûr pour des anges. Mais sans cœur c'est étrange. Alors que ce sont des loups qui nous dévorent sans vergogne. Tu crois peut-être que je déconne. Mais quelle issue pour nous quand les Babylones connent. Est-ce que Dieu les pardonne? Mais le temps est venu, c'est clair. Passer les épreuves et les guerres. Certains même sortis de l'enfer. Ton air tremblement est éclair. La crise est la même partout sur terre. Personnellement moi elle me diffère. Des gens sans manger. Big up le son, big up les gens. Une fois plus on vient avec un son militant. Big up les vibes, big up le son, big up les gens. Le ton est donné, le message est très important. Il faut big up les vibes, big up le son, big up les gens. Une fois plus on vient avec un son militant. Big up les vibes, big up le son, big up les gens. Le ton est donné, le message est très important. C'est pour les militants dans la place là. Pour tous les guerriers dans la place là.